Et c'est un. Comme on le voit, il s'agit en fait de reconstituer un état psychique, des représentations non voulues qui surgissent, se transforment en images visuelles et auditives, voire la remarque de Schleiermacher et d'autres, dans cet état que nous allons utiliser pour l'analyse des rêves. Et c'est deux. Comme on le voit, il s'agit en somme de reconstituer un état psychique qui présente une certaine analogie avec l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil, et sans doute aussi avec l'état hypnotique. La méthode exige une certaine préparation du malade. Il faut obtenir de lui à la fois une plus grande attention à sa perception psychique et la perception de la critique qui ordinairement passe au crible des idées qui surgissent à la conscience.